Je débarque, je me démarque, lyrique, c'est rime, viens nier les claps. Je donne pas de claque, ouais, c'est trop à la mode. Je suis l'ours fantôme, oui, je sors de la norme. J'ai perdu la raison depuis bien trop d'années. Je crois l'avoir oublié à la maison. Ce lien me manque, je trouve pas le matériel. Peu à peu, mon spirit me conduit sur le pont. Depuis déjà longtemps, je ressens l'oppression. De vie en vie, je diminue les lésions. Je retourne à la terre, me nourris du saumon. Rien n'est plus vrai que le ciel et les saisons. Au-delà de la forme, je regarde le fond. Je fais des métaphores, vas-y, monte le son. Encore un peu plus fort, tu peux pousser à fond. Non, t'inquiète, je suis pas venu pour donner des leçons. J'suis pas venu pour te satisfaire. Par contre, eux aiment te distraire. Coup d'état, bavure policière. J'emmerde leur système judiciaire. Ouais, je n'y vois rien d'humanitaire. Depuis de nombreuses années, ils nous tuent, ils nous pillent. Regarde comme le problème prolifère, j'arrive pas à m'y faire. En gros, en deux mots, je crois qu'ils nous mettent la disquette. Certains disent vrai et du jour au lendemain disparaissent. Suis-je obligé de révéler mon cri de guerre? J'évacue la colère par des écrits, mais jusqu'à où et quand je la tolère? Je lève mon margeur, me contiens en attendant. Marche plus dans leur sens, au pire, je viendrai les prendre de vitesse. Appelle-moi l'ours fantôme, je débarque en faisant des dégâts. Je m'excuse d'avance, ouais, comme toi je m'égare. Ours fantôme, appelle-moi l'ours fantôme. Oui, j'ai le goût du détail, le fond et la forme et la rage d'un Jedi. Ours fantôme, appelle-moi l'ours fantôme. Je débarque en faisant des dégâts. Je m'excuse d'avance, ouais, comme toi je m'égare. Ours fantôme, appelle-moi l'ours fantôme. Oui, j'ai le goût du détail, le fond et la forme et la rage d'un Jedi. Non, j'ai pas de problème pour écrire un texte, peu importe la cadence ou le style. Je donne le ton en faisant des poèmes. Gardez vos flots maquillés au profit. Je suis l'ours fantôme, je fais pas de copie. On vit pas dans la même folie. Je viens pas vendre du rêve pour connaître l'euphorie. La plupart de vos œuvres sont devenues diaboliques. Ma musique s'accorde à mon métabolisme. Comme moi, elle accuse la police. Elle me rappelle que je cours à ma perte. Quand je critique les autres, je perds la symphonie. À l'agonie, depuis la nuit des temps, quand je regarde notre anatomie, ce monde m'horrifie, on se momifie, tous enveloppés par les réseaux wifi. Gardez vos pays, j'ai pas d'origine. Je suis plus vieux que l'époque originelle. Je me balade à travers l'univers, entre la densité et le spirituel. Je vois les choses au pluriel, mais c'est pas le cas de tous. Je trouve pas ma place, ce système est cruel. Je vois les gens se plaindre, oui, je vois que les gens se poussent pour assurer leur facture mensuelle. Individu dans l'individuel, avide de thunes, on a perdu nos ailes. C'est chacun pour soi, ouais, chacun sans toi. Si t'en as pas, t'es quand même tributaire. J'emmerde les lois, j'emmerde le système. Fuck les rois et leur monarchie. Rien n'a changé, tout devient fourbé. Je vois que le peuple est pris de fatigue. Ours fantôme, appelle-moi l'ours fantôme. Je débarque en faisant des dégâts. Je m'excuse d'avance, ouais, comme toi je m'égare. Ours fantôme, appelle-moi l'ours fantôme. Oui, j'ai le goût du détail, le fond et la forme et la rage d'un Jedi. Ours fantôme, appelle-moi l'ours fantôme. Je débarque en faisant des dégâts. Je m'excuse d'avance, ouais, comme toi je m'égare. Ours fantôme, appelle-moi l'ours fantôme. Oui, j'ai le goût du détail, le fond et la forme et la rage d'un Jedi.